Bonjour, je m'appelle Wardia. Je suis venue de loin pour te raconter l'histoire de Hérisson. Tu ne le connais pas encore, et lui non plus, il ne te connaît pas. Il lui est arrivé une aventure extraordinaire, comme il en arrive à chacun de nous. Il a fallu qu'il quitte le jardin où il avait grandi, son jardin familial. Il se sentait assez fort et il en savait assez. Et ses parents aussi pensaient qu'il était prêt. Mais cela lui faisait peur aussi. Quitter sa famille, sa maison et partir avec son baluchon. En chemin, tu verras tout ce qui lui arrive et tout ce qu'il découvrira. Est-ce que tu ne l'entends pas? Je crois que c'est lui qui arrive. J'entends son pas. Le voilà sur son chemin qui croise un papillon. Oh, et puis cette belle lumière. Il regarde en l'air. Oh, il a failli écraser l'escargot qui fait le gros dos. Du chemin, il n'y avait plus que de l'eau qui s'en allait. Il s'approche. Quelle jolie couleur! Oh, voilà que l'eau lui court après. Il se retrouve tout mouillé. Il ne savait pas que c'était la mer. Et il faut bien le dire, il ne connaissait pas grand-chose. Ouh, c'est froid! Un drôle de goût, c'est salé. Il ne savait même pas que les girafes ont les yeux si doux et que les cascades font tant de bruit et que les piments ça pique. Il y avait tout un monde à découvrir. Mais là, il avait beaucoup marché. Il était fatigué. Il va falloir que je trouve un endroit où dormir. Fermez les yeux, petite patte en rond. Au petit matin, Hérisson s'est réveillé. Il avait un peu froid. Où sont mes parents? Mes amis, ma famille? Je me sens tout seul. Est-ce que je les reverrai? J'avais tellement envie de partir et je me sentais prêt. Mais il fait encore un peu nuit et maintenant j'ai peur. Je suis un hérisson, fils de hérisson, et je suis fort. Mais j'ai un peu peur et tout ce que je laissais derrière moi me manque. J'entends. Je peux te dire ce qu'il entendait. C'était Nounours Polaire qui arrivait et qui chantait sa chanson favorite. Je suis le Nounours Polaire, celui qui n'en a pas l'air. Je suis un gros ours des bonheurs. Oui, je suis un gros ours blanc. J'aime l'aventure, j'en ai pas l'air. Je suis parti, ça fait longtemps, et je me promène en marchant, en chantant des chansons, et je rencontre des tas de gens. Oui, je suis un gros ours blanc, et je rencontre des tas de gens. Partout où je passe, je me rends utile. Et les gens sont contents de moi. De ferme en ferme, de ville en ville, je sais toujours trouver un toit. Je sais construire les maisons et je plante les clous. Je fais le plombier et le maçon. et même pour monter sur le toit. Vous serez très content de moi. Je suis un gros ours débonnaire. J'aime l'aventure, j'en ai pas l'air. Partout où je passe, je me rends utile. De ferme en ferme, de ville en ville. Hérisson était très content d'avoir trouvé Nounours Polaire. Il a eu envie de chanter lui aussi. Il s'est mis à chanter l'amitié.